autour de moi, dans le silence, au ralenti, des formes denses, le temps d'une clope, dans la fumée, je m'en échappe, sans m'en tirer. Aucun de mes sens, je tends ma main et l'offre aux anges, un goût amer, ma réalité. Je ne suis qu'un fou, un fou allié. Va rejoindre Satan, va-t'en, phobie au goût de sang, va-t'en, jusqu'à la fin des temps, va-t'en, il laisse pleurer l'enfant. Va rejoindre Satan, va-t'en, phobie au goût de sang, va-t'en, jusqu'à la fin des temps, va-t'en, et laisse pleurer l'enfant.